Chapitre 19 Blanchefleur en France. La reine Blanchefleur a traversé la France. Les champs étaient déserts, les bois étaient fleuris, et les villes où les enfants jouaient sans cris, sombres, avaient un air de deuil et de souffrance. Tout le long des chemins, elle regardait fuir une succession de plaines dévastées, terres à l'abandon, maisons inhabitées. Son bonheur maternel n'osait s'épanouir. Elle avait dans le cœur un besoin de sourire. Partout sur son passage, elle voyait les gens détourner leur regard de ses yeux indulgents. Et des poings se crispaient qui semblaient la maudire. Mais voici qu'elle est presque au bout de son chemin. Cette nuit sous la tente est enfin la dernière. Demain, elle tiendra sa fille prisonnière. Dans ses bras, sur son cœur, sous ses lèvres, demain. Et ne pouvant dormir, Blanchefleur s'est assise à quelques pas du camp, pour rêver sans témoin. Pleine de sa tristesse, elle regarde au loin les étoiles tremblaient dans la brume indécise. Aux lisières du bois, le silence frémit. Mais on parle dans l'ombre, et Blanchefleur écoute. Un bruit confus de gens en marche sur la route se rapproche. Une voix d'enfant pleure et gémit. La reine Blanchefleur les appelle et demande: « Vous en allez-vous si tard, mes pauvres gens ?» Et l'homme a répondu: « Madame, les sergents ont saisi ma maison pour acquitter l'amende. Nous allons devant nous sans travail et sans pain. Comme nous, la moitié de la France mendie. Avarice de reine est dure maladie. Cette Berthe a changé notre bon roi Pépin. Autrefois, cette plaine était fertile et riche. Aux étables, le soir, rentraient de longs troupeaux. Mais on a tant sué d'argent pour les impôts qu'on se croise les bras au bord des champs en friche. » Puis, à la porte, un jour, l'huissier heurte du poing. « Paix ou part, on s'en va, la tête et les mains vides, tandis que les petits enfants, bouches avides, pleurent de faim dans l'ombre et ne comprennent point. » Et Blanchefleur songeait: « Seigneur, est-il possible ? Non, non, ce n'est pas vrai. Cet homme souffre et ment. Ma fille était trop pure et trop tendre. Comment serait-elle à ce point devenue insensible ? » Elle tire sa bourse où de l'or teinte et luit. Elle arrache à ses doigts ses bagues et s'écrie: « Tenez, prenez, je suis Blanchefleur de Hongrie. Si ma fille vous a fait tort, pardonnez-lui. »